Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la décolonisation. Épisode 3, aujourd'hui l'Algérie. 1954-1962, le processus aura duré 8 ans. Dans un contexte qui a vu la plupart des pays d'Afrique noire gagner leur indépendance les uns après les autres, le conflit algérien s'est au contraire embourbé. Mettant aux prises les militaires français contre les indépendantistes algériens du FLN, conduisant les pieds noirs, ces colons nés sur le sol algérien, sur la voie de l'exil, et transformant et harkis ces Algériens ayant combattu auprès de l'armée française en paria, la décolonisation a entraîné des centaines de milliers d'individus dans le chaos. Il faudra attendre l'arrivée du pouvoir du général de Gaulle en juin 1958 pour que l'indépendance algérienne prenne son essor. Mais la violence va se déchaîner de part et d'autre de la Méditerranée et faire de nombreuses victimes, avec en toile de fond la stratégie parfois mystérieuse d'un président français qui ne craint pas les chassés-croisés sémantiques. Ainsi, de longues et violentes années vont-elles s'écouler avant que l'Algérie n'acquiert son indépendance en 1962 à la suite des accords d'Évian. Mais il faudra attendre longtemps pour que les échos de cette guerre finissent par s'assourdir. Notre invitée aujourd'hui, Sandrine Lemaire, agrégée, docteur en histoire, co-autrice avec Nicolas Pancel et Pascal Blanchard du livre paru en janvier dernier aux éditions La Martinière, Décolonisation française, la chute d'un empire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'Algérie en 1954, c'est un pays où vivent 1 million d'habitants ayant le statut de citoyen français et 8 millions d'Algériens. 4 ans plus tard, en 1958, c'est surtout une terre dévastée par des affrontements sanglants, des attentats incessants et une incapacité chronique des différents gouvernements français à trouver une solution pacifique au conflit qui oppose les soldats du contingent FLN, le Front de Libération Nationale. Printemps 1958, la situation en Algérie est incandescente. Le 9 mai, le FLN exécute 3 prisonniers réservistes français. Le choc est immense. Le 13 mai, à Alger, après plusieurs jours de heurts et de manifestations, l'hommage aux victimes dégénère. Les partisans de l'Algérie française envahissent l'immeuble du gouvernement général. Ce coup d'État, on parlera d'ailleurs de putsch d'Alger, va aboutir à la formation d'un comité de salut public présidé par le général Massu. Venus de tous les points de l'Algérie, pendant 3 semaines, Européens et musulmans fraternellement mêlés vont unir leurs voix pour réclamer une Algérie française. C'est cela que l'on a appelé le miracle du 13 mai, cette fraternisation inattendue, cette réconciliation que l'on n'espérait plus, fraternisation et réconciliation contre lesquelles le FLN s'acharnait depuis 4 ans. Le lendemain à Paris, Pierre Pfunelin, tout juste nommé chef du gouvernement français, décide, devant la tournure compris des événements, de donner les pleins pouvoirs au général Raoul Salan, commandant en chef à Alger depuis 1956 et fervent partisan d'une Algérie française. Mais en pleine guerre, la nomination de Pierre Pfunelin ne fait pas le jeu des partisans de l'Algérie française qui le soupçonnent d'être favorable à des négociations avec le FLN. Salan entrevoit alors une porte de sortie pour se débarrasser de Pfunelin. Le 15 mai, lors d'un discours au gouvernement général d'Alger qui abrite le QG des pouvoirs coloniaux, il se laisse aller à crier un « Vive de Gaulle ». Aussitôt, l'intéressé, considérant cet hommage comme un appel, se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. Le 19, le général, qui décidément n'attendait que ça, annonce qu'il se tient à la disposition du pays. Et le 27, qu'il a entamé le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain, je le cite. Le 28, se rendant à l'évidence, Pfunelin remet sa démission au président René Coty, qui, le lendemain, fait appel à celui qu'on appelait le plus illustre des Français. Il est vrai que l'arrivée au pouvoir de l'homme du 18 juin constitue pour beaucoup un soulagement. C'en est terminé des heures de crise. Peut-être eut-elle fini par emporter l'État. Charles de Gaulle porte aujourd'hui à nouveau le destin de la France. Et l'on se souvient qu'un jour de 44, on vit au milieu d'une foule un homme descendre les Champs-Élysées. Alger, 4 juin 1958. Après des années de traversée du désert, consécutives à la démission du gouvernement provisoire qu'il avait formé de juin 44 à août 46, Charles de Gaulle est donc de retour au pouvoir. Premier geste fort, il se rend à Alger pour calmer la révolte. Il y est attendu comme le Messie. Dressant les bras vers le ciel sur le balcon du gouvernement général, il prononce sans doute sa phrase la plus célèbre, enfin l'une des plus célèbres, mais aussi, c'est sûr, la plus ambiguë de cette période. Je vous ai compris. Et il poursuit. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Un discours destiné à ne froisser personne. De Gaulle est clairement un politique habillé en militaire. Un vrai politique. Face à lui, sur la place du Forum, des centaines de milliers de gens, algérois, européens, juifs, arabes, se sont rassemblés. Militants du FLN, indépendantistes, pieds noirs, harkis, tous acclament le général. Bien. Mais qu'a donc compris le général de Gaulle avec ce « je vous ai compris » ? Que l'Algérie a toute légitimité pour réclamer son indépendance ou qu'elle doit rester française ? Face à lui, la foule semble unie sous une même bannière, laquelle aurait pourtant deux facettes. D'un côté, ceux qui prônent le droit de l'Algérie à devenir indépendante, et de l'autre, ceux qui veulent qu'elle reste française, et le général semble ne pas vouloir trancher. Il sait ce qu'il doit aux partisans d'une Algérie qui resterait la propriété de la France. Donc son discours ambivalent du Forum, auquel succédera un autre discours d'Union nationale deux jours plus tard, à Mostaganem, au terme duquel il glissera in extremis en fin d'allocution un « Vive l'Algérie française », destiné probablement à faire taire les suspicions quant à ses véritables intentions. Le 3 octobre 58, soucieux de donner des garanties aux Algériens, il lance le plan Constantine afin de préparer l'après-guerre et réduire les inégalités entre la colonie et la métropole. Il s'agit d'accélérer le développement économique de l'Algérie. Le programme du plan est ambitieux, création de logements, implantations industrielles, redistribution des terres agricoles confisquées aux Algériens, programme de scolarisation. Autant de mesures visant aussi à tempérer la puissance du FLN, mais dont une grande part sera abandonnée en cours de route. En métropole, de Gaulle est également décidé à réformer. Et pour lui, il l'a fait savoir, son retour au pouvoir passe nécessairement par un changement de république. C'est ainsi qu'il soumet à l'approbation des Français, dès juin, l'idée d'une nouvelle constitution appuyée par son ministre de la Justice, Michel Debray. Le général pense dire comme faire que la 4e République affaiblit la France. Il jette ainsi un discrédit sur le régime parlementaire qui est toujours de mise d'ailleurs aujourd'hui dans ce pays. Enfin, dans l'un de ses discours, à Lille, en septembre 58, il annonce la couleur. Je vous demande de répondre oui. Tout le monde comprend que suivant la quantité des suffrages qui approuveront cette immense réforme, la situation de la France vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis du monde sera complètement différente. Le 4 octobre 1958, la 5e République est ainsi promulguée à l'issue d'un référendum approuvé par 80% de la population. Dans la foulée, le 23, le général propose une paix des braves en Algérie dans le but d'inciter le FLN à baisser les armes. En vain. Le Front National de Libération s'en remet désormais entièrement au GPRA, le groupement provisoire de la République algérienne, nouvellement créé au Caire. Avec à sa tête Ferhat Abbas, le GPRA sera le bras politique et gouvernemental du FLN. Ses prérogatives, négocier directement avec l'État français. En métropole, tirant les leçons de la promulgation de la nouvelle constitution, René Coty démissionne. Et le 21 décembre... Charles de Gaulle est élu président de la République. En Algérie, les tensions continuent de s'exacerber. L'échec de la paix des braves a poussé le général Maurice Chal à mettre en place un plan qui porte son nom. Une logique de guerre totale est ainsi instituée, dont l'une des dominantes va être le recours systématique à la torture, pourtant dénoncé par nombre de personnalités en France. L'un des plus fervents intellectuels à se battre contre cette méthode ignoble, c'est l'écrivain François Mauriac. Voilà déjà plus de 3 ans qu'il tente d'alerter l'opinion. Et fin 1958, il n'a toujours pas désarmé. Que le sang ne coule plus, que les soldats français rentrent en France, que les pauvres gens des Mechtas ne connaissent plus d'autre misère que celle d'être pauvres et démunis de tout. Qu'aucun soldat de chez nous n'est plus jamais sujet de dire ce que le général Massu, il y a 6 mois, confiait à notre confrère du journal La Croix. La torture, vous n'avez que ce mot à la bouche. Mais je suis bien obligé de la pratiquer. Comment faire autrement? Dans cette logique qui vise à décimer le FLN et surtout à le couper du peuple algérien, le plan Châle accule 2 millions d'autochtones dans des camps de regroupement. Un état de fait qu'en France, dès février 59, un tout jeune homme politique, Michel Rocard, alors inspecteur des finances, dénonce dans un rapport effectué au terme d'une enquête réalisée sur place. J'ai commencé à explorer tous les week-ends les voies, les entourages d'Alger et à visiter des camps de regroupement. Et je vais y faire, moi, une découverte. L'armée française est en train, sans le dire, de regrouper des populations, c'est-à-dire de vider les villages, pour que les militants du FLN n'aient plus de lieux d'accueil, de repli et de nourriture, et pour même aussi pouvoir tirer au napalm sur les villages compris, sur les zones où il y avait des katibas FLN repérés. Alors il faut faire attention au vocabulaire, il n'y a pas de camp de concentration du tout. Ce regroupement, c'est un regroupement d'une population qui est libre. Il n'y a pas de barbelés. Simplement, l'opération de regroupement les a séparés de leurs terres et de leur bétail. Et donc, on meurt de faim, tout bonnement. L'affaire fait scandale. Suite à son intervention, Michel Rocard parviendra à lever des fonds pour nourrir cette population internée de force. Devant cette situation inacceptable pour beaucoup, et tandis que le FLN, pourtant affaibli, poursuit ses offensives contre l'armée française, De Gaulle sait qu'il doit lâcher du lest. Ce qu'il fait d'une façon qui va en surprendre plus d'un, le 16 septembre 1959. Ce jour-là, à 20h, il s'adresse aux Français dans un discours radio-télévisé et parle pour la première fois d'autodétermination du peuple algérien. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Naturellement, je ferai en sorte aussi que tous les Français aient à entériner ce choix. Et grâce au progrès de la pacification, au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Les Français d'Algérie sont indignés par cette déclaration qu'ils considèrent contraire aux engagements pris précédemment. S'il faut reconnaître à l'époque que la politique du général manque de clarté, voire qu'elle est chargée de contradictions, c'est qu'il a une vision à long terme. Comme il le dira un jour, l'Algérie de papa est morte. Si on ne le comprend pas, on mourra avec elle. Et lui seul sait vers quel lendemain elle veut conduire la marche inexorable de la décolonisation. Il a de bonnes raisons de se prononcer pour cette autodétermination, car cette guerre provoque une débauche d'énergie et d'argent sans résoudre le problème politique et rencontre une hostilité croissante, aussi bien de la part des Algériens d'ailleurs, que des Français, épuisés par ce conflit qui n'en finit pas. L'indépendance est donc la seule solution envisageable pour le général. Dans son allocution, il propose plusieurs alternatives. Soit une association France-Algérie, soit une sécession pure et simple, soit une francisation, option à laquelle personne ne croit. Désireux de négocier avec le GPRA et son bras armé, le FLN, le général, fait savoir, lors d'une conférence de presse le 10 novembre 1959... Si les chefs de l'insurrection veulent discuter avec l'autorité, avec les autorités, des conditions de la fin des combats, ils peuvent le faire. Les conditions, je le répète, seraient honorables. Elles respecteraient la liberté, la dignité de chacun et elles tiendraient un juste compte du courage déployé sous les armes. Et si des représentants de l'organisation extérieure de la rébellion décident de venir en France pour en débattre, il ne tient qu'à eux de le faire, n'importe quand, soit en secret, soit publiquement, suivant ce qu'ils choisiront. Le soutien international est unanime. Quant à l'opinion française, elle manifeste son soulagement. Mais le FLN y oppose une fin de non-recevoir. En décembre 1959, avec le GPRA, il se prononce contre toute négociation avant la reconnaissance de l'indépendance pleine et entière de l'Algérie. Cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tout ce qui me sent très cher. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Seul je me parle à moi-même, j'ai failli à mon devoir. J'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. L'année 1960 s'ouvre sur de nouvelles perspectives concernant le démantèlement de l'Empire colonial français. Elle va être marquée par l'accession de 15 pays d'Afrique noire à l'indépendance. Et le général sait désormais que les jours de l'Algérie française sont comptés. Mais à Alger, sa politique est vivement critiquée, comme en témoigne l'interview qu'accorde le général Massu, l'homme du comité de salut public de mai 58, à un journal allemand, le Süddeutsche Zeitung de Munich. Nous souhaitons que le gouvernement nous aide enfin à voir clair dans l'avenir, pour que nous parvenions à maintenir une Algérie française. L'armée à la force, elle ne l'a pas montré jusqu'à présent parce que l'occasion ne s'en était pas encore présentée, mais elle fera intervenir sa force si la situation le demande. Nous ne comprenons plus la politique du président de Gaulle. L'armée n'a pas pu prévoir qu'il ferait une telle politique. Notre plus grande déception a été de voir le général de Gaulle devenir un homme de la gauche. Et rappelant les événements de mai 58 et l'avènement du général de Gaulle au pouvoir, Massu poursuit. De Gaulle était le seul homme à notre disposition. L'armée a peut-être commis une faute. Cet aveu vaut à Massu sa mutation en métropole, sur ordre du président de la République française. De Gaulle entend bien faire respecter ses choix politiques. Mais le rapatriement de Massu est mal perçu par les partisans de l'Algérie française. Et il se traduit début 60 par ce qu'on appellera la semaine des barricades. À 13h cet après-midi, le général Schall recevait M. Ortiz, leader du Front National français. Pendant ce temps, des haut-parleurs diffusaient des appels aux dirigeants de la manifestation, demandant à la foule de garder le calme. À 18h, c'était le drame, des coups de feu étaient tirés contre les forces de l'ordre, celles-ci étaient obligées de riposter. On ne sait pas encore le nombre exact des victimes, certains parlent de 7 morts, d'autres de 15 tués, toujours est-il que le nombre des blessés est assez élevé. Et maintenant, je voulais vous demander une chose encore. Que tous ceux qui en ont la possibilité, bien sûr, restent avec nous pendant cette nuit, comme ils étaient sur le forum le 13 mai. Du 24 au 31 janvier, les pieds noirs d'Algérie se soulèvent contre les forces de l'ordre et s'emparent de la ville au cri de « Nous crèverons français ». Ils réclament qu'il n'y ait aucun fossé entre les Français de métropole et les musulmans. La guerre devient franco-française. Durant cette semaine sanglante, on dénombre une vingtaine de morts et environ 150 blessés. L'armée finit par reprendre le contrôle de la ville, l'état d'urgence est déclaré. Début mars, pour faire la preuve qu'il maîtrise la situation, le général de Gaulle se rend de nouveau en Algérie dans le but de reprendre contact avec l'armée. Sa démarche prendra le nom de tournée des popotes. Le 5 septembre de la même année, tandis que débute à Paris le procès des porteurs de valises, ces militants de gauche qui transportent des fonds pour le compte du FLN, un manifeste des 121 est publié dans le magazine Vérité-Liberté. Pensé par des intellectuels, des universitaires et des artistes, ce document, signé notamment par Marguerite Duras, François Sagan ou Jean-Paul Sartre, réclame le droit à l'insoumission pour les appelés du contingent. En voici les trois propositions finales. Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial est la cause de tous les hommes libres. L'hostilité croissante de l'intelligentsia française face à cette guerre interminable ne laisse pas de marbre le général de Gaulle. Non, d'autant que le droit à la perspective d'une autodétermination du peuple algérien, dont il a jeté lui-même les bases, devient de plus en plus concrète. Et l'ONU, dans le même temps, adopte une résolution reconnaissant le droit du peuple algérien à l'indépendance. Le 4 octobre 1960, porté par la logique de l'histoire, le général de Gaulle suggère enfin l'idée d'un référendum. Il parle d'une Algérie algérienne et d'un futur gouvernement de la République algérienne. Malgré les vives réticences des colons, ce projet remporte un franc succès lorsqu'il est proposé au vote en janvier 1961. À la question clé, dont l'intitulé est un peu lourd, je vous le livre tel quel. Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République concernant l'autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination? Fin de la question. Plus de 70% des votants répondent oui. Toute la nuit, le ministère de l'Intérieur a publié les résultats de la journée, dont la leçon devait être tirée pour les journalistes par le ministre de l'Information, M. Ternoy. En métropole, plus de 75% des votants. En Algérie, 68% des votants avaient dit oui. Le oui franc et massif demandé par le général de Gaulle pour construire l'avenir. L'affaire est entendue, mais elle reste en travers de la gorge des Français d'Algérie et des militaires du putsch. Pour eux, le général est un traître. Et en vérité, son entêtement à vouloir en finir au plus vite avec la guerre va contribuer à la naissance de l'OAS. Nous sommes en février 1961. L'organisation entend défendre par tous les moyens la présence française, y compris par le terrorisme, avec une cible, le général de Gaulle, le traître à leurs yeux. Mais le général ne cesse pas d'intimider. Pour lui, l'heure est venue d'admettre que l'indépendance est inévitable. Mais tout en négociant secrètement avec le FLN, il entend préserver les intérêts français en Algérie. Qu'ils soient liés au pétrole, au gaz ou à la base militaire de Reagan dans le Sahara où sont menés des essais nucléaires. En avril 61, les militaires organisent un nouveau putsch à Alger avec l'intention de poursuivre le coup d'État en métropole. Le mouvement est lancé par les généraux Challes, Jouot, Salan et Zeller. Mais c'est un échec, car l'essentiel de l'armée, et notamment le contingent, ne suit pas les félons. De plus, l'opinion publique française, tout comme les observateurs internationaux, soutiennent les efforts du général pour mettre un terme à ce conflit. La France vit désormais au rythme des attentats conjugués de l'OAS et du FLN. Et la guerre d'Algérie va se transporter sous une autre forme, en métropole. Le 18 juin 1961, l'OAS signe l'attentat du train Strasbourg-Paris, qui fait 28 morts et 170 blessés. Le 17 octobre 61, à Paris, la police de Maurice Papon réprime dans le sang une manifestation pacifique. Des centaines d'Algériens sont jetés dans la Seine, 150 à 200 d'entre eux périssent. 30 ans plus tard, l'écrivain et éditeur François Maspero, présent sur les lieux, se souvient. Oui, c'est bizarre. Quand je repense à ça, je me dis, mais est-ce que on n'a jamais su le nombre de morts, hein? Et on a du mal à penser que quelqu'un qui est dans soi est mort. Je sais pas si les gens que j'ai ramassés étaient morts ou pas, ils étaient sans vie. J'avais déjà vu ça avant, mais on ne sait pas combien il y a eu de morts. Il y en a qui disent 400, ça me semble fou. Des centaines. On saura, vous croyez, un jour? Non, on ne saura jamais. En cette fin d'année 61, sur le front algérien, les négociations entre le pouvoir gaulliste et le FLN s'accélèrent. Dans les premières semaines de l'année 62, l'OAS multiplie les exactions sur l'Hexagone. L'organisation ne commet pas moins de 10 attentats début février à Paris. En réaction, le 8 février 62, certains partis de gauche et plusieurs syndicats appellent à manifester dans la capitale française. Le rassemblement qui va drainer plusieurs milliers de personnes autour de la Bastille visait évidemment à condamner ces attentats, mais plus généralement à exprimer le ras-le-bol devant une situation coloniale qui semble s'enliser de plus en plus en Algérie. La dispersion violente de la manifestation par la police au métro Charonne tourne au drame. La violence, l'acharnement des brigades spéciales créent un mouvement de panique et un reflux désordonné. Une partie de la foule s'engouffre dans une des bouches du métro Charonne. Renversés au bas des marches, étouffés, les corps s'entassent les uns sur les autres, tandis que pleuvent par-dessus la rambarde coups de matraque, grilles d'arbres, tables de café même. Et sur le boulevard, c'est la chasse, jusque dans les immeubles, aux manifestants en fuite. Et là, en revanche, on a un bilan. 9 morts et des centaines de blessés. Depuis quelques mois, sous la pression internationale, les négociations prennent tournure entre le gouvernement français et les forces indépendantistes algériennes, en tête desquelles on trouve évidemment le FLN et le GPRA. Elles aboutissent, le 18 mars 1962, à un cessez-le-feu signé et consigné sur les fameux accords d'Évian. Évian m'appelle, je cède immédiatement l'antenne à Claude-Paul Pajard, notre envoyé spécial. Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis pour la frontière suisse. C'était leur dernier voyage, ils ne reviendront plus. La paix est signée dans quelques minutes. Monsieur Jacques va tenir une conférence de presse à l'hôtel du Perc à Évian. Je m'y rends tout de suite, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les détails supplémentaires. Conséquence de ces accords, la France pourra exploiter le pétrole de l'Algérie et elle apportera une aide économique au pays. Évian met ainsi fin, officiellement, à 132 années de colonisation et à 7 ans et 5 mois de guerre, un conflit qui aura causé la mort de 250 000 à 400 000 Algériens 28 500 soldats français et 30 000 à 90 000 harkis. Malgré le cessez-le-feu, ou sans doute à cause de lui, la violence franchit un nouveau cap. L'OAS essaie de torpiller les accords. Et elle se déchaîne en métropole et en Algérie, où elle pratique la politique de la terre brûlée. Le groupe fait exploser des réserves de pétrole et de gaz, brûlant tout ce qui ne peut pas être emporté. On assiste à des massacres de musulmans par l'OAS et de Français par le FLN. On n'est pas loin d'anarchie. Le 26 mars 1962, soit un peu plus d'une semaine après la signature des accords, rue Dili, à Alger, devant la Grande Poste, des manifestants européens protestent. Et l'armée tire sur ces partisans de l'Algérie française. 46 personnes sont mortes et 200 autres blessées. Halte au feu, plus on entend tirer, dernier soubresaut d'une guerre devenue franco-française, la plaie profonde. Les colons doivent se rendre à l'évidence. Il n'y a pas de place pour eux dans l'Algérie nouvelle. À la veille de l'été 62, ceux que l'on appelle les pieds noirs quittent l'Algérie. Beaucoup débarquent dans un pays, la France, où personne ne les attend. Le 5 juillet 1962, l'Algérie hisse son drapeau. La France a reconnu l'indépendance du pays. Ben Bella en sera le premier président. L'Algérie devient une nation socialiste au parti unique, le FLN, le seul autorisé. En un mot commençant, une dictature ou tout au moins un pouvoir autoritaire. Quant aux Européens d'Algérie restés sur place, ils sont massacrés. Les harkis, ces Algériens qui se sont battus aux côtés de l'armée française, sont considérés comme des traîtres. Interdits d'entrer sur le sol français, ils vivent alors un cauchemar à la merci du FLN. Des milliers, voire des dizaines de milliers d'entre eux sont assassinés. Les autres sont regroupés dans ces camps. Persona non grata, ils sont condamnés à devenir les anonymes de la défaite. Des années plus tard, ils témoignent de leur fidélité à la France, malgré l'abandon qu'ils ont subi. Moi, j'écrive pour la France, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin que j'écrive. Je ne tourne pas la veste. Je l'ai tourné la veste une fois, pas deux fois. Le jour que j'ai entré à l'armée, j'ai engagé. Moi, je ne dis pas je suis musulman français, moi je suis un harki. Et tous mes camarades, tous les harkis sont des harkis, ils ne sont pas des musulmans français. Musulman français, ça veut dire qu'il n'a aucune patrie. Et moi, je suis français par le sang. Je donne tout le sang, on a donné tout ce qu'on a, on a tout donné pour être français. On n'est pas choisi la France par la misère ou par la faim. Demain, si jamais, c'est-à-dire la France, si j'ai besoin de moi pour, c'est-à-dire, une guerre, je suis toujours présent. Si demain, ils m'appellent à la guerre, je vais aller, je suis volontaire, toujours, je suis toujours présent. La fin du conflit va s'accompagner, dans les mois qui suivent, d'une guerre civile en Algérie, marquée par une lutte des clans au sein du FLN. Elle durera jusqu'en septembre 1963. Pendant ce temps, en France, les conséquences de la guerre d'Algérie vont se prolonger et ses répercussions trouvent encore écho aujourd'hui. Les deux peuples conserveront longtemps, c'est sûr, les blessures de la guerre sans nom. Je voudrais voir le monde entier. On a un peu envolé. Connais à ton nid l'amour, l'amour, l'amour nuit et jour. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'indépendance de l'Algérie dont nous allons parler avec vous. Sandrine Lemaire, bonjour. Bonjour. Agrégée docteur en histoire, vous avez fait une thèse sur la propagande coloniale, professeur en classe préparatoire littéraire au lycée Jean Jaurès de Reims. Vous êtes la co-autrice avec Nicolas Bancel et Pascal Blanchard du beau livre paru en janvier dernier aux éditions de La Martinière intitulé « Décolonisation française, la chute d'un empire » sur lequel d'ailleurs nous nous sommes appuyés pour présenter aux auditeurs de France Inter les trois points. Et trois émissions autour de cette thématique de la décolonisation. Alors on a parlé hier et avant-hier de colonies, de protectorats, de métropoles. L'Algérie c'est autre chose, si j'ose dire, comme Mitterrand. C'est la France, structurellement. Oui, alors effectivement, c'est ce que l'on cherche à montrer dans cet ouvrage, et je pense qu'il est important, parce que à l'oral on l'entend pas, oui, de souligner que décolonisation est au pluriel. Oui. Donc décolonisation française, la chute d'un empire, parce qu'on a l'empire français est un agrégat effectivement d'éléments, mais les décolonisations sont au pluriel. Et pour comprendre la guerre de décolonisation de l'Algérie, il faut revenir sur les particularités effectivement de l'Algérie. D'abord, l'ancienneté de sa colonisation. C'est la première colonie du ce qu'on a appelé le second empire colonial français, si l'on accepte les vieilles colonies que sont les Antilles ou la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, qui a été donc colonisée en 1830. Oui. C'est également une particularité. Dans les faits et dans la pratique, c'est effectivement une colonie, mais comme vous le rappeliez dans votre question, administrativement et dans les pensées, dans les conceptions, l'Algérie, c'est la France. Oui. C'est la France, pourquoi ? Parce que depuis la Deuxième République, on en a fait trois départements français, avec toutes leurs spécificités. C'est pas le même régime juridique, pas le même régime administratif. On a toujours décolonisé donc des sujets français dans ces départements, mais administrativement, c'est quand même 3 départements français. Et puis, je dirais que la dernière grosse particularité de l'Algérie, c'est enfin que c'est la seule de tout l'empire colonial français que l'on puisse appeler une véritable colonie de peuplement, car effectivement on trouve à peu près 1 million d'Européens essentiellement, hein, donc beaucoup de Français mais aussi des Italiens, des Espagnols qui sont présents sur place, et ça c'est une vraie particularité, une vraie spécificité de l'Algérie qui construit un conflit ensuite dans les décolonisations. Alors on le dit aussi depuis lundi, et c'est l'une des thèses fortes de votre livre, les décolonisations, c'est le phénomène de contagion, c'est le phénomène de tache d'huile, hein, ça respire d'autres peuples ailleurs. Mais est-ce qu'il y a quand même, concernant l'Algérie, un élément factuel qu'on pourrait considérer comme l'étincelle, voilà, qui allume le feu? Alors oui, évidemment, il y a toujours un terreau et un substrat en histoire. On a toujours un ensemble et un agrégat de facteurs. Hein, et c'est ce que cherche à montrer l'ouvrage à travers aussi bien les textes et les différentes entrées, d'ailleurs factuelles, événementielles, à travers des personnages, mais aussi les images que l'on analyse dans cet ouvrage afin de le mettre à la disposition de tous. Et la vraie étincelle, si vous voulez, du conflit algérien, c'est ce qu'on appelle la Toussaint Rouge. Donc le 1er novembre 1954, au moment où effectivement l'insurrection est déclenchée. En même temps, beaucoup d'historiens, et c'est ce que l'on essaye de montrer aussi, hein, c'est que les racines de ces décolonisations sont antérieures et remontent pour la plupart à la Deuxième Guerre mondiale, au moment où en Algérie on fête effectivement la guerre de libération de la Deuxième Guerre mondiale, donc du nazisme, donc le 8 mai 1945. Et où en Algérie, notamment à Sétif et Guelma, mais également à Kerata, les Algériens sortent des drapeaux indépendantistes, donc algériens, et sont immédiatement massacrés par la police française. Alors, ça engendre beaucoup de massacres. Donc, si vous voulez, il y a un événement, un déclencheur, toujours l'étincelle, mais qui se pose sur un substrat effectivement très complexe. Et c'est ce qu'essaye de démontrer l'ouvrage. Alors, ce qui est complexe aussi, évidemment, c'est à partir du retour du général de Gaulle au pouvoir, c'est la situation dont il hérite. Et lui va avoir une geste politique très complexe, hein, maniant la sémantique. Alors, c'est fameux « je vous ai compris », toujours aussi difficile à comprendre. Quel regard vous posez sur la politique menée par le général de Gaulle du début de la crise jusqu'à son dénouement? Elle est marquée par quoi, cette attitude-là? Alors, l'attitude du général de Gaulle, c'est celle de l'ensemble de la classe politique, finalement, de la 4e et de la 5e République. D'abord parce qu'il était au départ de la 4e République et qu'il se retrouve au départ de la 5e. Et qui sont liées, ces attitudes, aux spécificités, là encore le pluriel est de rigueur, du conflit. À savoir que on a un conflit en Algérie, c'est celui qui prime sur toutes les décolonisations, c'est celui dont on parle le plus dans les établissements scolaires, c'est celui qui ressort davantage dans les ouvrages, c'est celui effectivement qui est le plus traité dans les documentaires. Pourquoi ? Parce que c'est un conflit qui a un ensemble de spécificités très particulières, avec par exemple la présence d'appelés et de rappelés du contingent. Donc ce n'est pas une guerre de, entre guillemets, professionnelle comme on a pu le connaître en Indochine, où on a envoyé une armée de métier, y compris avec des tirailleurs sénégalais. Donc cela touche l'ensemble des familles, si vous voulez. On a un frère, un mari, un père qui est parti en Algérie. C'est également lié à la spécificité d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, la présence des Français d'Algérie en nombre, et vous l'avez rappelé précédemment, qui militent pour le maintien de l'Algérie dans le giron de la France. Et du coup, c'est également la raison pour laquelle, finalement, la guerre d'Algérie a été une guerre sans nom. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de qualification de guerre, mais on l'appelait les événements, la campagne de pacification. Et finalement, c'est tout ce contexte qui génère une politique d'ambiguïté, de tâtonnement, d'essayer de concilier les intérêts des uns et des autres, avec un contexte très fort de la guerre froide qui pousse aux décolonisations, des indépendantistes, évidemment, qui poussent également. Et puis de l'autre côté, les pieds noirs, ceux qu'on a appelés les pieds noirs, les Algériens, enfin les Français d'Algérie, qui eux poussent au contraire à garder et à maintenir l'Algérie dans le giron français. Et là, c'est très clair que avant tout, il faut éviter la notion de guerre civile. Mais oui. C'est fondamental. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a déjà eu des Français qui se sont battus contre des Français. C'est absolument impossible d'avoir la même chose pour la guerre d'Algérie. Et c'est aussi ce qui explique que ce soit une guerre sans nom, qu'on n'ait pas donné le nom de guerre à ces événements. Merci pour cette réponse très complète. Alors vous disiez, oui, effectivement, l'émancipation algérienne, elle arrive toujours en exergue dans cette histoire-là. Effectivement, la couverture de votre livre, ce sont des Algériens en liesse. Donc j'imagine que c'est juillet 62, oui, c'est quand l'Algérie est proclamée algérienne, hein, indépendante. On se retrouve dans 3 minutes. Si on écoutait Enrico Macias, Adieu mon pays, c'est le moment. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. La belle chanson d'Enrico Macias, Adieu mon pays, qui illustre bien le terrible spleen des rapatriés, des arrachés de leur terre. C'est des drames intimes et on connaît tous, ou dans notre entourage, ou proche, ou moins proche, des gens qui ont vécu ça. Comment peut-on définir la nature, alors bien des années plus tard, la nature des relations entre la France et l'Algérie, forcément particulière, forcément organique, mais pas forcément pour le meilleur. Hein, je parle des relations d'aujourd'hui. Comment, quel regard vous portez sur ces relations au regard de toute cette histoire? Alors nécessairement c'est compliqué, d'autant que effectivement dans les spécificités du conflit, on aurait pu évoquer, et c'est fondamental, à la fois les pouvoirs spéciaux qui ont été donnés à l'armée en mars 1956 et qui font qu'on a un retour du régime militaire. Quand je dis retour, c'est vrai que durant tout le 19e siècle, l'Algérie a été gérée par les militaires, et c'était déjà l'occasion de conflits entre les civils et les militaires. Et donc ces pouvoirs spéciaux sociaux ont engendré la pratique de la torture à grande échelle, et c'est effectivement un conflit excessivement violent. Alors la torture sert effectivement, on s'en sert comme zoom parce que c'est quelque chose d'horrible, mais on pense moins, et ça reste tout aussi horrible, au déplacement de population, au cantonnement et des enfants, des femmes, etc., qui ont été excessivement violents, y compris dans les aspects juridiques. Et nécessairement, cette histoire a eu des résonances et a encore des résonances aujourd'hui. Et notamment quand on songe que dans les accords d'Évian, ce n'est pas tout à fait la fin de tout. Effectivement, c'est la fin officielle de la présence française en Algérie, je dis bien officielle, mais cela correspond également, et c'est ce que l'on cherche à montrer dans l'ouvrage, à la mise en place d'une véritable amnésie, c'est-à-dire qu'on a des amnisties sur une grande partie des actes qui ont été commis pendant la guerre d'Algérie, et qui crée aujourd'hui effectivement des tensions entre ceux qui effectivement estiment qu'on n'a pas suffisamment parlé de cette histoire, voire pas du tout parlé de cette histoire, ceux qui estiment qu'on en parle trop ou qu'on met en exergue ces aspects de torture mais pas assez les, entre guillemets, bienfaits de la colonisation. Et donc nécessairement on a des mémoires multiples qui se confrontent et qui font qu'aujourd'hui revenir sur cette histoire est particulièrement difficile. Oui. Alors justement, il ne s'agit pas de porter un jugement sur les faits, mais est-ce qu'on peut dire qu'au bout du compte, les décolonisations françaises ont été plutôt réussies? Alors c'est vrai qu'à chaque fois, la France était au pied du mur, hein, c'est des événements qui appelaient à des volontés d'émancipation. On aurait pu faire pire, on aurait pu faire mieux. Comment peut-on qualifier les décolonisations françaises en termes de réussite ou d'échec? Alors, réussite ou échec, les historiens... Oui, je veux dire, vous n'avez pas jugé les faits, bien sûr. Oui, c'est j'ai ça. Pris mes précautions. Bilan positif ou négatif, c'est un petit peu compliqué pour les historiens enfin que nous sommes. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, les décolonisations françaises ont partout quand même pris un aspect relativement violent. Je dis relativement, ça va du moyennement violent ou très violent, partout. Il y a eu effectivement quelques négociations, menée et sous la pression, c'est-à-dire que par exemple il fallait absolument négocier les indépendances des deux protectorats Tunisie et Maroc pour pouvoir avoir suffisamment de moyens et notamment de moyens en hommes armés à garder en Algérie. Oui. Et on ne pouvait, et c'est la stratégie des militaires de ne pas avoir de front. Donc nécessairement il y a eu des négociations, y compris en Afrique subsaharienne, mais de manière générale la France s'est quand même particulièrement accroché à son empire, et on peut considérer, c'est ce qu'on essaye de démontrer dans l'ouvrage, même si effectivement c'est pas une guerre continue, mais qu'en gros on est dans 25-30 ans de guerre avec des petites guerres menées à tel ou tel endroit, hein. Je parle pas d'un conflit général, mais nécessairement on est tout le temps en guerre, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, en gros la France est tout le temps en guerre jusque 1962, et même après, c'est ce que cherche à démontrer l'ouvrage. Alors justement, l'ouvrage, et il reste 10 secondes, hein, donc je vais vous saluer, mais surtout encourager nos auditeurs à lire ce livre. C'est un gros livre, hein. Il est un gros livre, il est bien illustré. Ben voilà, il y a un bel équilibre entre ce qu'on apprend par le texte et l'illustration. Merci infiniment, Sandrine Lemaire, donc co-autrice de ce livre avec Nicolas Bancel et Pascal Blanchard. Merci, au revoir. Merci beaucoup. D'en prie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'indépendance de l'Algérie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierre-Yves de Rolin.